Hello, hello les amis, bienvenue sur le 89.5. C'est Boogie, on est en direct et ça commence dans quelques minutes. On laisse tourner le générique. Voilà, comme je vous le disais, c'est Boogie, le programme est très chargé, Véro à la technique. Salut Véro, comment ça va? Voilà, alors on a été encore défaillant, pas trop la semaine prochaine, on avait proposé une émission de rattrapage, mais on n'a pas assumé ça, cela, on s'en excuse. Mais c'est surtout le 5 mars où on a, voilà, et du coup, de l'émission bimensuelle devient un petit peu mensuelle de temps en temps, on s'en excuse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est très chargé et on a reçu pas mal de choses, hein, ouais, notamment le dernier Nina Attal. Je remercie Alexia Sansonoff, voilà, qui m'envoie souvent des trucs à passer. Et là, comme c'était le dernier Nina Attal et que nous, on a eu la chance, n'est-ce pas Véro, de l'avoir sur scène. Oh là là. Il y a un petit problème de micro, c'est normal, on est sur Radio Dio, hein, on n'est pas à France Inter comme disait Perco. Et de fait, on avait assisté à son Tribute of Jimi Hendrix dans le cadre du Rhino Jazz Festival, et ça c'était au mois de novembre. Voilà, donc la demoiselle vient de sortir un album qui est un peu inégal, hein, on va pas se le cacher, mais on a bien aimé certains morceaux et c'est son cinquième album, ouais, c'est ça, il vient juste de sortir, Tales of the Guitar Woman. On attaque tout de suite en écoutant le premier morceau, celui que j'ai bien aimé, Backdoors. C'est parti. Abby's gotta pay rent for a house she never could stand. Living on the seaside and never liked the fields he said. Thank you. Et ouais, voilà, ça s'arrête net. Les morceaux dont j'ai horreur parce que voilà, on se fait surprendre. On est en direct, on va pas vous le cacher, on était très en retard, on vient juste d'arriver. Du coup, le temps de checker, comme on dit dans le jargon, et de se caler, comme on dit dans un autre jargon moins radiophonique. Voilà, ceci explique cela. Ça va revenir, les automatismes, on n'en doute pas. Ouais, la radio, c'est quelque chose, hein, surtout quand on n'en a pas fait d'un bout de temps. Moi, je voulais vous parler de Bruce Springsteen. Alors, vous avez l'habitude, puisque le jingle, c'est Bruce Springsteen. Je parle souvent de Bruce Springsteen. Il va passer bientôt à Marseille le 31 mai. Il revient en fait après l'annulation de son concert du mois de mai de l'année dernière, annulé, qui avait beaucoup beaucoup fait polémiquer même les fans les plus durs, les plus sûrs, hein, qui n'avaient pas trop apprécié que certains disent sa majesté, je trouve ça un peu sévère, mais que monsieur Bruce Springsteen, on va dire, annule au dernier moment, voilà, à cause d'un problème de voix. Et ben moi, je voulais un petit peu rendre hommage pour diverses raisons. Et puis surtout, j'avais envie... J'ai ce tribute depuis un moment sous la main. J'en avais passé quelques extraits, mais là, je voulais faire une spéciale. Mais ça va pas être encore aujourd'hui. Par contre, je vais passer un tribute of Nebraska qui s'intitule Badlands, qui est sorti, je ne sais plus en quelle année, mais chez Sub Pop, qui réunit des artistes, surtout de country western, hein, ça c'est à peu près sûr, qui reprennent tout l'album de Nebraska pour les spécialistes, et aussi un titre de Born in the USA, chanté par monsieur Johnny Cash, I'm on Fire. On va s'écouter pour l'instant Atlantic City par Hank Free. C'est parti. Well, they blew up the Chicken Man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk, they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble bussing in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight. Job, tried to put my money away, but I got debts no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust and bought us two tickets on that City Coast bus. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Well, maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair up pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Going out The sand's turning to gold. So put on your stockings, baby, it's getting cold. And everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your hair up nice and sit up pretty and meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Meet me tonight in Atlantic City. Et voilà, Atlantic City. On enchaîne avec Johnny 99. Let's go. Well, they closed down the aeroplane in my world late last night. Ralph went out looking for a job, but he couldn't find none. He came home too drunk from mixing Tanqueray and wine. He got a gun, shot a knife, took down the con, Johnny 99. Down in a part of town where you hit a red light, you won't stop. Johnny is waving his gun around and threatening to blow his top. When it off, duty cops knock upon him from behind. Out front of the club, tip-top, they snap the cuffs on Johnny 99. Well, the city supplied a public defender, but the judge was Mean John Brown. He came in to the courtroom and stared poor Johnny down. Well, the evidence is clear, gonna let the sentence fit the crime. 98 in a year, we'll call it even Johnny 99. Dragged Johnny's girl away. His mama stood up and shouted, "Judge, don't take my boy this way." Well, son, you got a statement you'd like to make before the bailiff comes and forever take you away. Now, judge, judge, I had no debt, so all this man could pay. The bank was holding my mortgage, they were taking my house away. Now I ain't saying that makes me an innocent man, but it was more than all this that put that gun in my hand. Well, Your Honor, I do believe I'd be better off dead. And if you can't take a man's side for the thoughts that's in his head, then won't you sit back in that chair and think it over just one more time. Let him shave up my head and put me on the execution line. We'll be right back. ça, c'est pas du country rock, voilà. Ça, c'était Los Lobos qui se permettait dans une version très très personnelle de Johnny 99, Bruce Springsteen. Voilà, on repassera de ce tribute Badlands, notamment pour vous faire saliver dans 15 jours. Une reprise de Ham on Fire avec la voix très rocailleuse et très ténébreuse de Monsieur Johnny Cash. J'avais plein de trucs à dire, du coup faire deux émissions en une seule c'est vraiment très compliqué. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, voilà. Alors le nouveau slogan de l'émission, parce que oui il faut en parler aussi, il y a un nouveau slogan, c'est pas de rock sans blues, mais moi j'aimerais ajouter qu'il n'y a pas de blues sans rock non plus, hein, voilà, hein. Ça fait sourire Véro, c'est cool, j'ai quelques dédicaces aussi à faire. Voilà, on a des auditeurs et on a aussi des nouveaux auditeurs. Ouais, Véro, ouais, c'est la vérité. Et je voulais dédicacer ce titre et, ou celui qui vient. Tiens, ouais, voilà, ça, c'est Bob Dylan. Et à Coralie et à Théo. Alors, Coralie, c'est une nouvelle auditrice et j'espère qu'elle sera fidèle et qu'elle nous écoutera voilà, tous les 15 jours le mercredi. Et Théo, lui, bah, Théo, lui ne m'écoute jamais, mais... Voilà, mais ça, c'est pas très grave. Je l'embrasse quand même. Et puis, il y a aussi Magali et Alain. Je sais que Magali m'écoute en ce moment. Je t'embrasse, Mag. Voilà. Et peut-être même qu'après un petit Bob Dylan, on passera un artiste local qui s'appelle Alco. J'en ai déjà passé sur les ondes du 89.5 dans Boogie. Ou sur Boogie, non, on peut dire dans Boogie, ouais, voilà, ouais, ça. Et oui, on passera du Alco sur le 89.5 et je vous expliquerai un peu qui il est. Et bah tout de suite, Bob Dylan sur l'album Highway 51 Revsy Tide. Hein, t'as vu? Ça crache. Le titre Tombstone Blues. Come on. Sweet pretty things on Bettendorf course. The city fathers they're trying to endorse. The reincarnation of Paul Revere's horse. But the town has no need to be nervous. The ghost of Belle Star, she hands down her wits. To Jezebel and Nun, she violently knits. A bald wig for Jack the Ripper, who sits at the head of the Chamber of Commerce. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with a tombstone blues. The hysterical bride in the penny arcade. Screaming, she moans, I've just been made. Then sends out for the doctor who pulls down the shade and says, my advice is to not let the boys in. Now the medicine man comes and he shuffles inside. He walks with a swagger and he says to the bride, stop all this weeping, swallow your pride. You will not die, it's not poison. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I'm in the kitchen with the tombstone blues. Well, John the Baptist, after torturing a thief, looks up at his hero, the commander-in-chief, saying, tell me, great hero, but please make it brief. Is there a hole for me to get sick in? The commander-in-chief answers him while chasing a fly, saying, death to all those who would whimper and cry. And dropping a barbell, he points to the sky, saying, the sun's not yellow, it's chicken. Mama's in a factory, she ain't got no shoes. Daddy's in the alley, he's looking for food. I am in the kitchen with the tombstone blues. The king of the

Elle m'a dit, mon chéri, demande à Bobby. On m'a fait bécasse, j'étais hirondelle. Alors j'ai vu Poppy, il a pris sa guitare. Il m'a un peu menti de son ton pleurnichard, car il avait le blues, il y a mis du fiel. Les oiseaux sont-ils, les oiseaux sont-ils libres des chaînes du ciel? Voilà, Alco sur l'album Napalm. Les ailes du moineau, c'est vrai que quand on écoute ça, ça rappelle forcément des choses qu'on a pu vivre. Voilà, on se sent impliqué dans les textes, souvent. Et à la demande générale, c'est-à-dire à la tienne, Véro, tu n'as pas pu résister à l'envie d'écouter un second titre. Et tu as choisi Blues pour fesses poilues. Let's go! Sois parti un peu ému. De changer de série, pourtant tu avais promis, pour que le loup n'entre plus dans la bergerie. Loup y es-tu, il y fut, rebelote et disque d'air, dans la bergerie et même dans la bergère. Mieux un amant, me dit-elle, mais c'est tout simplement différent. Tout est là quant à moi, je ne suis resté que moi. Ce qui jadis te plus tassa, te lassa. Tu n'es pas une femme facile, une salope, oh non. De mon côté, je ne fus pas au top, pas au top. Triste constat, voilà que je réalise que je suis si banal, usuel, sans surprise. Pourtant, malgré tout ce temps, quel dépit. Je ne rote jamais, je ne pète jamais au lit. Je soignais pour toi mon langage et ma mise. Je voulais décrocher la lune que je t'avais promise. te retienne, puisque notre passion n'est plus la tienne. Et tandis que tu t'envoles sous d'autres yeux, j'espère, j'espère, j'espère tout flagada, tout neuneu. J'aurais aimé te surprendre nu sur ton lit, lassive à m'attendre, te surprendre au jeu du hasard et de l'amour. Mais la surprise, mais la surprise, mais la surprise a tourné court. Oh yeah, merci Alco. Vraiment, c'est voilà, ça c'est du blues. Voilà, ça c'est du blues français avec de l'humour, avec des textes incroyables. Et moi, j'ai hâte de te voir en live parce que bah ouais, c'est un peu la honte. Je ne l'ai jamais vu en live. Voilà. Bah, on annoncera ta date du mois de mai à Tence, je crois, parce que je la connais pas. Voilà, je l'ai pas. Voilà, j'ai encore merdé, comme dirait l'autre. Et voilà, donc je suis allé faire un petit tour sur la page Alco, qu'on trouve facilement, hein, Alco, www, je sais plus quoi, ça non plus je ne l'ai pas noté. Et j'ai vu que tu étais un fan de Bob Dylan, mais ça je m'en doutais déjà beaucoup. Et puis ça nous ramène au super biopic Imparfait Inconnu, donc on ne va pas reparler, parce qu'on a déjà pas mal parlé de la prestation de Timothée Chalamet. Moi j'ai vu ce film au Méliès, j'étais complètement scotché. Et j'ai été scotché aussi par la prestation de d'autres acteurs, voilà, notamment Edward Norton qui interprète Pete Seeger. Voilà, Pete Seeger a quand même découvert, voilà, après ils sont un petit peu fâchés, mais il a découvert Bob Dylan. Et interprété par Edward Norton, c'était vraiment impeccable. Du coup, ça nous ramène aussi à Springsteen. Donc Dylan nous ramène à Springsteen, Springsteen à Bob Seger, parce que Springsteen, c'était en 1900... Non, c'était dans 2000 chez Sony Music. 2000 quelque chose, je sais plus. Il a sorti We Shall Overcome, Seger Session, c'est-à-dire il a repris toutes les chansons qu'il aimait d'un de ses mentors, c'est-à-dire Pete Seeger, qui est décédé bah, il n'y a pas si longtemps, hein, parce qu'il a vécu vieux, le bonhomme. Et on va s'écouter, alors c'est un peu du folklore irlandais, hein, je ne vous cache pas, Springsteen est d'origine irlandaise, il aimait beaucoup Bob Dylan et Pete Seeger quand il était jeune. La boucle est bouclée, on va s'écouter Mr. McGrath. C'est parti. Mrs. McGrath, the sergeant, said, would you like a soldier is undead? The scarlet coat, big contact, and Mrs. McGrath, would you like that? With your 2-5-0-D-A, 2-0-D-A. With your 2-5-0-D-A, 2-0-D-A. Now Mrs. McGrath lived on the shore, and after 7 years or more, she spied a ship coming to the bay with her son from far away. Captain dear, where have you been? You've been sailing the Mediterranean. Have you news of my son Ted? Is he living or is he dead? Is he too right for Liddy A? Too right. Is he too right for Liddy A? Too right. King Ted without any legs and in their place two wooden pegs. Kissed him a dozen times or two and said, my God, Ted, is it you? Now, were you drunk or were you blind when you left your two fine legs behind? Or was it walking upon the sea that wore your two fine legs away? With a two right, hold it at the edge, two right, right. With a two wasn't blind when I left my divine list behind. Cannonball on the 5th of May tore my divine legs away. Ah, Teddy boy, the widow cried, your divine legs were your mother's bride. Stumps of a tree won't do it all, why didn't you run from a cannonball? I do proclaim, live on the blood and the mother's pain. I'd rather have my son as he used to be than the king of America and his whole name. With a two-rifle, diddle-dee, two-rifle, with a two-rifle, diddle-dee, two-rifle. Merci Monsieur Springsteen, merci pour cette, ce superbe album dont on n'a pas tout trouvé l'année, hein, mais qu'on trouve assez facilement, sorti chez Sony Music. Il n'y a qu'à taper Bruce Springsteen, Seeger Session, et le disque est vendu avec le DVD qui va avec, et le DVD aussi est pas piqué des verres. On n'y retrouve pas bien sûr le Street Band. C'est d'autres musiciens de sa connaissance, hein, qui sont aussi ses amis. Et à part l'organiste, je crois, aucun de ces musiciens ne fait partie du fameux E Street Band. On va passer à autre chose. Vous le savez ou pas d'ailleurs, mais je suis abonné à Rolling Stone et c'est vrai que je m'en sers parfois pour faire mon émission. Mon émission qui n'est pas de blues sans rock, mais aussi pas de rock sans blues. Et là, on va à la croisée des chemins avec ce qu'on a appelé le début du hard rock, mais qui se sont beaucoup inspirés du blues et qui sont considérés comme des rockers aussi. Donc là aussi, je dirais que la boucle est bouclée. Il s'agit de Led Zeppelin et des 50 ans de leur album Physical Graffiti. On va s'écouter tout de suite un des titres phares de cet album. Il s'agit du titre Cachemire sur le 89.5 de Boogie. C'est maintenant. I'm a traveler on both sun. There is a ground. And my eye filled with sand. Led Zeppelin. Ah, dans cet album aussi, ils sont à la croisée des chemins qui vont les emmener à la mort de leur batteur, hein, qui se rapproche. Et Et oui, alors j'ai complètement oublié ce que je voulais dire sur Led Zeppelin. Ah oui, que cet album a été produit par monsieur Jimmy Page, le guitariste du groupe, et qu'il est sorti en 1975 et qu'il a pas mal défrayé la chronique. Alors à l'époque, il faut savoir que ils étaient ou adulés ou détestés. Voilà, ils étaient. Il y a des rumeurs qui couraient sur eux, sur des histoires de satanisme et de. Et certaines personnes qui avaient soi-disant écouté les paroles à l'envers et qui retrouvaient des pensées satanistes et des phrases qu'aurait prononcées le diable et que cela serait fait exprès, enfin des trucs complètement ahurissants. Et du coup, tu voulais dire quelque chose, Véro? Non, tu voulais faire peut-être un essai micro, ton micro marche toujours pas. Après, c'est pas très grave, mais pour échanger, c'est compliqué. Vous êtes bien sur le 89.5, il est 21h56, et vous êtes bien dans Boogie aussi, l'émission réputée comme étant la plus bordélique du 89.5, mais je suis quand même tombé sur quelques émissions récemment où les problèmes techniques s'enchaînent et où les gens sont parfois un petit peu en panique, et je me suis dit, bah oui, finalement, on s'en sort pas si mal, voilà. On va enchaîner, on écoute un deuxième morceau? T'es ok avec ça? Bah ouais, tu me fais des signes, bien sûr, tu peux pas parler, c'est logique. On vient de s'écouter Cashmere, on enchaîne avec Trembling Underfoot. Yeah. là, ça fait du bien, Led Zeppelin, dans Boogie, voilà, un petit hommage qu'on leur rend. Les trois autres sont toujours vivants, hein. D'ailleurs ce titre est signé Jimmy Page, Robert Plant et John Paul Jones. Le titre précédent, Cashmere, était signé Jimmy Page, Robert Plant et John Bonham, le batteur décédé, voilà, qui a rien fait pour s'économiser, hein, puisque voilà, c'était l'époque de la grosse défonce et les groupes des années 70, et ceux qui se défonçaient pas, défonçaient moins, voilà, étaient moins accros à des substances, et sont toujours là. C'est le cas de Monsieur Jimmy Page, pour qui je vais pas dire que je le vénère, faut pas abuser, mais voilà, gros respect, parce que lui, il a quand même transformé une certaine musique dès 68-69, si je dis pas de bêtises. Et on peut un peu dire qu'il est le créateur du hard rock moderne, qui est devenu le heavy. Enfin bon, voilà, on va pas s'inscrire dans la musicologie, mais voilà. Véro, on me dit dans l'oreillette qu'on nous écoute à Montréal. Voilà. Et je vois et j'entends dans mon autre. Ça marche pas. Ah si, ça marche. Si, ça marche. Ouais, moi, je m'entends pas. Voilà. Alors, bon. Quel effet que ça te fait qu'on soit écouté à Montréal ? Je suis très heureuse. Voilà. Et dans une autre oreillette, parce que j'en ai deux, on me dit que certains dansent dans leur salon sur nos playlists et sur les titres qu'on passe. Ouais, donc, ça, c'est des gens quand même qui ont la pêche. Ouais, voilà. Il est déjà 22h et on danse dans certains salons de la ville de Saint-Étienne et périphérie. Voilà, 89.5, Boogie, c'est Radio Duo, c'est une ambiance, c'est une bonne vieille radio de chez nous. On va pas se le cacher qu'ici, on est bien. Voilà. Il faudrait que j'arrête de dire voilà, je sais, mais voilà. Alors oui, il y a des détracteurs il y a toujours des gens qui cherchent la petite bête, et les adorateurs, les ayatollahs de la musique et les ayatollahs aussi du groupe qu'on vient d'écouter, c'est-à-dire les Zeppelin, parfois en veulent à d'autres groupes, comme si dans les années 70-80, tous ceux qui se réclamaient, qui ont été très inspirés des Rolling Stones et des Beatles, qui eux-mêmes ont été inspirés de Chuck Berry et des Bluesman, voilà, si tout le monde se jalousait comme ça, croyez-moi si vous voulez, il y a des gens qui jalousent le groupe, l'excellent groupe, je trouve, de jeunes gens qu'on appelle Greta Van Fleet, et qui trouvent que c'est du plagiat complet, total, de Led Zeppelin. En effet, la voix du chanteur ressemble étrangement, mais bon, c'est pas vraiment de sa faute, à celle de Robert Plant. Et il y a quelques passages où c'est vrai que le son peut faire parfois penser à du Led Zeppelin, mais bon, on est quand même loin du plagiat, et j'aimerais bien que ça s'arrête. Du coup, pour emmerder ces gens, s'ils écoutent, je vais leur passer du Greta Van Fleet pour leur faire voir qu'ils se trompent. Et on va s'écouter tout de suite l'excellent titre pour moi sur l'excellent album From the Fires, le titre Talk on the Street sur le 89.5 de Boogie. C'est maintenant, c'est tout de suite, Greta Van Fleet. Yeah. Greta Van Fleet dans Boogie. Voilà, pour les détracteurs, voilà, j'espère qu'ils ont quand même apprécié ce morceau qui est hyper entraînant, qui est une voix très perchée, et puis derrière ça envoie, je sais pas, moi, j'ai du mal à comprendre. Je pense que peut-être il faut aussi aller voir Greta Van Fleet en live, hein, parce que aussi il paraît que ça dépote. Bon, voilà. On enchaîne avec quoi, Véro? Oui, ah oui. Ouais, non, passe. Ah, si. Waouh, wow, ça y est. Partez un petit peu fort, voilà. Tu vas, alors, oui, tu attends. Tu vas te baisser doucement. Comme ça, c'est mieux. Enfin, parler on ensemble. On va faire de l'ASMR. En live. Dans Pouki. Pouki. Alors. Oui, mais là, c'est bon. On va parler d'un groupe qui va passer au fil, de deux groupes, en fait, qui vont passer au fil. Et voilà, notre partenariat avec le fil, j'allais dire touche à sa fin, non, mais se continue en tout cas. Et c'est Dirty Deep et GA20, hein, GA20, ouais, voilà, qui vont passer sur la scène. On ne sait pas trop qui est la tête d'affiche et qui est la première partie. On s'en fiche un peu parce que les deux groupes sont super bons. Hein, voilà, on a écouté, on nous a envoyé, on est allé sur la page du fil, on a piqué les extraits qu'on va vous diffuser. On est partenaire du fil pour tous les événements rock, blues qui peuvent être diffusés là-bas. Et Dirty Deep, ouais, j'ai vraiment aimé un trio, power trio, blues, heavy blues, hein, voilà, avec les nouvelles tendances de blues un peu heavy, selon comment ils utilisent les instruments. On peut dire que ça va chauffer le 24 avril. Dans 15 jours, on va faire gagner des places. Ça, on peut déjà l'annoncer. Nous serons le 17, le mercredi 17, ouais, prochaine émission de Boogie, mercredi 17, des places à gagner en direct sur le 89.5. On fera une petite question peut-être ou pas, ou premier qui appelle, on va pas faire non plus les 1. Je te vois, je te montrais de rire. Là. Non, mais c'est bien de faire des questions quand il y a tellement de gens qui appellent pour voilà demander des places. Oui, mais tu as raison, tu as archi raison, on va pas faire les difficiles. Quoique, ce sera au premier qui appelle. Savoir. Non, mais tu as raison. Et du coup, si le morceau est calé, comme j'ai pas les éléments, oui, et tu vas peut-être nous annoncer le titre du morceau. Alors, j'ai choisi un titre qui s'appelle What Really Matters. Ça te convient? Ouais, je pense, oui. C'est toi qui vas l'envoyer, donc. Yes. Eh ben, let's go. Eh ben voilà, c'est parti. Protect us from unbearable sins. We shut them down and give others the blame. You gotta know what really matters. Love and hate are two faces of the same coin. We just flip it to let it drop like a rolling stone. And when it hits the ground, we get to know what to feel, yeah. But it doesn't really matter, for none of it is real. Yeah. Et voilà comment se faire surprendre par le prochain groupe qui va passer au fil. Dirty Deep. On enchaîne peut-être avec l'autre groupe qui est un duo, je crois, et qui sont américains. Je ne sais plus. Voilà. C'est un trio américain. C'est un trio américain. Voilà. Attends, je cale en même temps. En fait, c'est deux trios de du coup. Je crois, ouais. Il me semble. Des power trio et eux aussi sont dans un groove heavy blues avec. Eux, une particularité quand même, c'est-à-dire qu'ils utilisent des instruments vintage, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'il y a de plus... voilà, ils sont très sur l'instrument et ses sonorités. Et ils jouent aussi très très heavy, très très saturé. Et aussi, ça vaut le coup. Ouais, je pense que tu as peut-être raison, c'est peut-être eux les têtes d'affiche, mais j'ai vu que Dirty Deep, ils avaient vraiment un succès phénoménal. Oui. En France, je pense, du coup, mais oui. Ouais, voilà. C'est que là, on a affaire à des gens qui sont quand même sur la scène internationale et selon leur pays d'origine, voilà, c'est là où je voulais en venir. On ne sait pas trop s'ils ont une popularité. Voilà. On ne les connaissait pas ou peu en France, en tout cas. Moi, je les découvre l'un comme l'autre. Hein. Mais par contre, ce sont de belles découvertes et on remercie le Phil voilà. et son programmateur, programmatrice, je ne sais pas trop. En ce qui concerne le rock et le blues, et on remercie de faire ces trouvailles là parce que voilà. Après monsieur qu'on a vu au fil, si tu te souviens, Jaron Paxton, yes. Voilà. Ce jeune homme aveugle et dans un registre très Lonnie Johnson, Blaine Lemon Jefferson, avec vraiment un blues très très très roots et qu'on connaissait pas ou peu en France et qui aussi a quand même ce soir-là voilà, il a enflammé le fil, je dirais pas ça parce qu'avec du folk blues tu enflammes pas grand chose, mais alors il nous a quand même bien scotché ce monsieur. Donc on remercie le Phil pour son excellente programmation. On regrette peut-être un peu qu'il n'y en ait pas plus souvent, parce que ça c'est se contenter de 3 à 4 par an. Groupe de blues ou de soirée blues, c'est un petit peu limité, mais bon, à bon entendeur, voilà. On sera toujours là pour relayer les infos et pour être leur partenaire et promouvoir les gens qui programment. GA20, c'est calé, donc on n'a plus qu'à écouter, ouais. Ça. Donc je te laisse annoncer le Stranger Blues, c'est un de leurs derniers morceaux. Voilà. Vous êtes bien embouillé, 89.5. On écoute ça tout de suite. Let's go. Yeah. to shoot. Well, I'm going downtown, where I'm 99 pairs of shoes. You know I'll be welcome, won't have these strange blues. The train stopped here, and the tracks on my Yeah. Ouais, voilà, j'étais encore à la ramasse. Je sais pas comment le prononcer. J-A-20 en français, mais J-A-20. Ouais, on va dire ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Ouais, écoute, je crois que tu me... Ouais, ça me fait du bien d'être soutenu comme ça quand je sais pas comment prononcer les titres des albums, les titres tout court parfois, et ça arrive. Voilà, mon anglais n'étant pas excellent, comme certains l'auront remarqué, j'essaie de faire un effort sur la prononciation, mais c'est pas toujours ça. En tout cas, on va faire de gagner des places, donc ça je l'ai déjà dit, ce sera dans 15 jours, donc rendez-vous l'émission Boogie, 22h22 sur Radio Duo 89.5. Vous pouvez aussi nous écouter sur le web www.radiodio.org, c'est ça, Véro? Je crois que c'est ça. Tu dois l'avoir. Oui, oui. Voilà, voilà. Et pour nous appeler, comme il n'y a rien à gagner, ne nous appelez plus, l'émission tire à sa fin. Pour le plaisir, non, là, ouais. Mais vous aurez l'occasion, dans les émissions qui viennent, vous aurez la possibilité de nous appeler. Et nous vous répondrons tendrement. Voilà. Faut pas exagérer non plus, mais bon, voilà. On a passé un bon moment, l'émission touche à sa fin. Je vais terminer avec deux choses complètement différentes, mais ça, c'est, vous avez l'habitude dans Boogie. On était bien en début d'émission, bien western, bien country, bien bluegrass, et non pas bluegrass. Et on va le rester. Sheryl Crow, ça vous parle un peu. Alors, là aussi, c'est assez inégal. Hein, Sheryl Crow, on peut aimer ou détester, mais soit c'est des gros tubes... American Music, ou parfois c'est vraiment très bien, je sais pas comment l'exprimer autrement, et oui, j'ai un faible pour elle, pour son passé, pour certains de ses albums et de ses collaborations aussi, et sur cette compile que je sors de je ne sais où, probablement du magasin Forum, tiens voilà, allez, un peu de pub, voilà. À ceux qui sont mes dealers de musique préférés. Voilà, je le dis. Et je pense que cette compile sort de chez eux. Il s'agit de la compile de Sheryl Crow qui s'intitule It's a Rarity. Et j'ai craqué sur sa reprise du groupe de hard rock qui ne fait plus rien maintenant, qu'on appelait Guns N' Roses. Et c'est leur petit succès qui s'appelait Sweet Child O' Mine sur le 89.5 de Boogie. We'll be right back. Quelle version géniale de Sweet Child of Mine. Ah oui, je suis fan de ça. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça nous change de la voix de cet abruti de Axl Rose que je déteste. Voilà. Autant j'ai une passion dévorante pour le guitariste slash, autant le chanteur m'a toujours sorti, il m'est toujours sorti par les yeux et je saurais pas l'expliquer. Mais là, avec sa, la voix superbe de Sheryl Crow, ça le fait. J'espère qu'on vous a pas trop saoulé, qu'on vous a passé de la bonne musique, relativement variée aujourd'hui. Très peu de blues roots, beaucoup de rock'n'roll, un peu de country, mais bon, il en faut aussi, il faut tout pour faire un monde. Voilà, on a passé quoi ? On a passé le grand boss, le grand Alco, bien entendu, le grand Bob Dylan, on a passé des grands bonhommes, quoi. L'immense groupe Led Zeppelin, on a passé quand même des gens très très connus et des gens un peu moins, Greta, Dirty Deep, voilà, Sheryl Crow, et on va terminer par la cerise sur le gâteau. Je vous en ai passé un extrait la semaine, il y a 15 jours, et il s'agit du groupe de métal, on dit que comme ça maintenant, voilà, qui est un petit peu hilarant. Ils sont de Nantes ou Angers, enfin, ils sont de la côte atlantique. Ils s'appellent Ultra Vomit, ils défraient la chronique, et en ce moment, je me suis offert le dernier album, Le Pouvoir de la Puissance, qui est complètement hilarant et qui est aussi musicalement très très très très correct, hein, quand on aime ce genre de musique. Alors eux, ils chantent pratiquement tout en français, et sur ce titre, et ben, y a Monsieur Orelsan qui vient faire un feat non officiel, mais un feat quand même. Voilà, je te le dédicace Théo, parce que tu sais que je t'ai parlé de ce morceau. On écoute tout suite Ultra Vomit, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, le 17 avril. On écoute Doigts de Métal sur le 89.5 de Radio Dio. C'était Boogie. Grosse bise à tout le monde. Salut mamie, ça va ? T'écoutes quoi là ? J'écoute Ultra Vomit. C'est un groupe de métal. Ultra Vomit ? C'est méga chelou comme nom. Mais en vrai, ça a l'air grave, Cole. J'ai toujours cru que les métalleux étaient des gens bizarres, avec leur tatou tête de mort habillés tout en noir. Mais en fait c'est juste des gros nounours, le genre de personne qui ferait pas de mal à une mouche. Alors t'inquiète pas, ils sont pas venus pour sacrifier ta grand-mère, mais juste pour passer du bon temps et boire un max de bière. Les doigts de métal dans les airs, en écoutant du gros son tout droit sorti des enfers. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, le pouce préhensile sur le majeur et l'annulaire. Les doigts de métal dans les airs, l'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel. Tout le monde saute, tout le monde chante, tout le monde danse avec les doigts de métal dans les airs. Et si tu sais pas comment faire, regarde, c'est simple comme un jeu d'enfer. L'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, lève les doigts de métal, doigts de métal dans les... Putain, plus j'écoute la batterie, plus je comprends rien. Mélange le sucre de kiss et l'acidité d'ACDC, rajoute une pincée de riff de Slayer et secoue le shaker. Mélange le groove de Gojira, le gras de Pantera, les branches à gratter, le papa de Pentagram. Santé. L'index levé vers le ciel, l'index levé vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel. suis dans l'info, je suis dans les crash, les slams et pogo, l'apéro, les wall of death. Avec les pas de métal, pas de métal dans les airs. Si tu sais pas comment faire, regarde, c'est simple comme un jeu d'enfer. L'index le bas vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, le pouce préhensé sur le majeur et la neuner. L'index le bas vers le ciel, l'auriculaire vers le ciel, l'index le bas vers le ciel. On dirait un cochon qui s'étouffe, car elle prend.